بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'égare point et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien selon ses propres désirs. Ce n'est seulement qu'une révélation inspirée par l'ange Gabriel aux forces puissantes. À la vigueur et à la beauté inouïe, il se montra alors sous son image réelle, se tenant à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit, encore plus bas, jusqu'à ce qu'il se trouve à deux portées d'arc, ou plus près encore. Dieu révéla à son serviteur ce qu'il révéla. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Le cœur ne saurait démentir ce qu'il a vu. Allez-vous lui contester ce qu'il a vu? Il l'avait déjà vu une autre fois, près du lotus, au-delà duquel nul n'a accès. Près du jardin du séjour, au moment où le lotus était enveloppé par ce qu'il l'enveloppait. Son regard ne dévia pas, sans non plus dépasser les limites. Il a bel et bien vu les plus grands signes de son Seigneur. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Avez-vous considéré les divinités Al-Lat et Al-Uzza, de même que cette autre Manat, la troisième? Le garçon serait-il pour vous, tandis que la fille serait pour lui? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms inventés par vous et vos ancêtres, et Dieu n'a révélé aucune preuve à leur sujet. Ils ne font que suivre des conjectures et leurs propres passions, alors que leur est venue une bonne guidance. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Quoi ? L'homme devrait-il obtenir tout ce qu'il désire ? À Dieu appartiennent l'au-delà et la vie d'ici-bas. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, à moins que Dieu ne l'autorise, en faveur de qui il veut et qu'il juge acceptable. Ceux qui ne croient pas à l'au-delà attribuent aux anges des noms féminins. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Ils ne possèdent à leur sujet aucune science. Ils ne suivent que des conjectures, alors que la conjecture ne saurait jamais tenir lieu de vérité. Détourne-toi donc de celui qui fuit notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà à quoi se borne leur savoir. Certes, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux, celui qui s'égare de son chemin et celui qui suit la bonne voie. وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en sorte qu'il rétribuera ceux qui auront fait le mal, selon leurs œuvres, et récompensera ceux qui auront fait le bien, par ce qu'il y a de meilleur. Ceux qui évitent les péchés majeurs et les actes indécents, et qui ne commettent que des fautes légères, pour eux, ton Seigneur est plein de miséricorde. Il vous connaît parfaitement depuis le moment où il vous a créé de terre, de même que lorsque vous étiez caché dans le ventre de votre mère. Alors ne prétendez pas à la pureté, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui le craignent. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. As-tu vu celui qui s'est détourné, qui a peu donné et qui a finalement refusé de donner? Détient-il la science du monde invisible au point qu'il puisse le voir? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuillets de Moïse et ceux d'Abraham? Celui-ci a parfaitement tenu sa promesse de transmettre le message. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. Qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que ses efforts seront reconnus, et qu'ensuite il en sera pleinement récompensé, et qu'en vérité, tout aboutit vers ton Seigneur. Que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, qui donne la vie et qui donne la mort, et qui a créé des couples composés d'un mâle et d'une femelle. À partir d'une goutte de sperme éjaculée, que c'est à lui qu'incombera la seconde création, que c'est lui qui enrichit et donne satisfaction, et qui est le Seigneur de l'étoile Sirius. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Que c'est lui également qui a détruit Ad la première, et qui n'a point épargné Thamoud, pas plus que le peuple de Noé auparavant, car ils étaient encore plus injustes et rebelles, et que c'est lui encore qui a anéanti les villes renversées, et qui les a recouvertes de ce dont il les a recouvertes. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur contesteras-tu? Voici un avertisseur, appartenant aux avertisseurs anciens. L'heure du jugement est imminente. Nul autre que Dieu ne peut la dévoiler. Vous étonnez-vous de ce discours? Vous en riez au lieu d'en pleurer. Absorbé que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.